Quatrième et dernier temps de notre série sur les archives essentielles ou non, ce matin, le débat sur l'État et les archives. Après avoir évoqué lundi les archives départementales, mardi les archives de la recherche, des associations, des partis politiques et des syndicats, hier les archives audiovisuelles et la particularité de ces archives au milieu de toutes les autres, nous nous intéressons donc ce matin au rapport que l'État entretient avec ces archives, avec les archives en général, dans une émission co-animée par Victor Massé-Dépinay. Avec nous pour en parler Françoise Banat-Berger, elle est directrice des Archives nationales, Gilles Morin, il est président de l'Association des usagers du service public des Archives nationales, chercheur associé au Centre d'histoire sociale du XXe siècle, et signataire avec quatre autres historiens et historiennes de la pétition « Les archives ne sont pas des stocks à réduire ». Et enfin, Jean-Louis Debray, il est président du Conseil supérieur des archives. Mais vous le savez, nous sommes jeudi et tous les jeudis, nous avons un feuilleton sur l'enseignement de l'histoire en France. Et nous partons donc avec Séverine Yatard au musée d'Orsay pour voir comment on apprend aux jeunes enfants aujourd'hui eh bien, l'histoire de l'art en se promenant dans les musées. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Sonia Brunel poursuit sa visite au musée d'Orsay avec les élèves de seconde du lycée Pablo Picasso. Ils sont accompagnés par leur enseignante qui coordonne et anime ce projet pluridisciplinaire sur le thème des arts et des sciences. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le tableau qui est au-dessus, hein, au-dessus du tableau de Pasteur, et qui représente le début d'une opération? Alors, il s'agit d'un célèbre chirurgien au XIXe siècle qui était grand ami des artistes, justement. Hein. Il a été ici peint par Gervex, mais il y a eu Toulouse-Lautrec aussi qui le connaissait. Et regardez bien. On allait dans les salles d'opération comme on allait un peu au théâtre. Regardez comment elle est, cette salle d'opération. Décrivez-la-moi. En fait, il y a plusieurs scientifiques qui observent et qui prennent des notes, parce que là, il y a... Alors, oui, il peut y avoir d'autres médecins, mais pas forcément. Hein. C'est pas forcément des scientifiques, des médecins. On était une dame du monde, on pouvait, si on se trouvait pas mal, assister à une opération, voyez, c'était comme un spectacle. Hein, ça pose des problèmes quand même. Et d'ailleurs, regardez comment est-il habillé, le docteur Péan. Il est en costume. Il n'a pas de blouse, il n'a pas de masque, il n'a pas de gants. Vous imaginez, hein? Et la salle où il opère, elle n'est pas non plus du tout aseptisée, hein? Alors, on voit donc la future opérée, c'est une belle jeune femme. Comment il va l'endormir? Parce que là, on endort quand même. Hein. Il y a des éponges, vous voyez pas? Je crois, c'est pas en lui mettant un produit pour la faisant respirer. Oui, c'est du chloroforme pour endormir. Hein. Mais voilà, c'était une façon... déjà, c'est un progrès. On endormait. Hein. Avant, on n'endormait pas. Alors, le docteur Péan, regardez, qu'est-ce qu'il tient dans la main? Et alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des artistes? Ils étudient le corps humain. Ils allaient, hein, ils allaient voir les opérations. Hein, parce que, voilà, pour apprendre. Hein, et ça existe encore. Il y a des artistes qui viennent. Sabine Calmel, vous êtes vous enseignante d'histoire de seconde? Vous venez de faire une visite accompagnée avec une conférencière sur la thématique art et sciences. Alors en fait, c'est un projet hein, que vous menez avec ces élèves. Tout à fait. En fait, depuis 2 ans maintenant, nous essayons dans la classe de seconde de travailler en interdisciplinarité. Et ce qui nous a paru le plus évident, c'est de mélanger les sciences et avec ma collègue de lettres aussi, de mélanger un peu littérature, art et sciences. Hein, puisqu'on sait bien que ces thématiques sont extrêmement liées. L'histoire des sciences s'est beaucoup renouvelée aussi ces dernières années. Hein, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur cette thématique. C'est quelque chose que l'on trouve assez fréquemment et qui intéresse les élèves et qui permet de construire des projets transdisciplinaires qui les impliquent et qui leur fait découvrir des choses vraiment, qui les sort un peu de leur univers évidemment de tous les jours. Et vous voyez, ce groupe était très attentif parce que c'est pour eux, c'est de la découverte pure. Hein, voilà, donc c'est très bien. Ça fait aussi pour eux, ils se mettent dans la place du scientifique qui découvre. En fait, on a commencé par le Palais de la Découverte pour aller voir la science se faire. Voilà, parce que c'était important pour nous de commencer par le palais, puisque le palais a été conçu justement pour montrer la science en train de se faire. Et ensuite, on a prévu que les élèves s'impliquent de plus en plus dans les visites. Là, Orsay, c'était encore une visite avec conférenciers. Mais la prochaine visite, c'est l'Institut du Monde Arabe. Et ce sera aux élèves de prendre en charge, en fait, la visite en s'intéressant à ceux qu'on va voir à l'intérieur de l'Institut du Monde Arabe et qui puissent nous faire découvrir des scientifiques et des sciences arabes. Donc, on va les faire travailler en amont sous forme de petits travaux de recherche. Ils aiment bien ça, ça les implique et ça permet de changer aussi leur façon de faire. Une fois qu'on leur a bien montré comment le scientifique travaille, c'est à eux de travailler de leur côté. Alors vous, Madame Courcial, vous êtes l'enseignante de littérature. Vous allez travailler avec vos élèves aussi, évidemment. Sur quel aspect en particulier, peut-être, d'après cette visite ? Alors déjà, ce qui est complètement dans le programme, là j'ai construit la progression pour rentrer dans ce projet Arts et Sciences, et le programme s'y prête parce que nous on commence par le 17e et le 18e, et là ensuite on est sur le réalisme et le naturalisme. Donc pour moi là, on a commencé par parler de la phrénologie, on fait le rapport avec Balzac, l'étude des descriptions, des portraits, donc là on est complètement dans le programme de français, et les élèves voient bien le lien. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est du coup de mêler les matières, hein, donc histoire, français, mais aussi SVT, donc là c'est vraiment très très intéressant et ça donne du sens pour les élèves à ce qu'on fait et les visites. Du coup, ils y prennent plaisir parce qu'ils arrivent vraiment à réinvestir dans toutes les matières et ils font le lien. Ça montre aussi que le français est ouvert sur toutes les autres disciplines avec les sciences et l'histoire. Ils sont très contents en fait qu'on les emmène comme ça en sortie, qu'on puisse après travailler même en amont ou après à travers, il y a un petit blog, effectivement ils font une restitution de la visite ou vraiment ils doivent travailler le texte mais aussi l'image, aussi effectivement on fait des prises de son. Donc on travaille aussi sur ce projet pour que les élèves puissent communiquer après, même à l'intérieur du lycée, sur le projet. Et là, justement, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, certains avaient envie de revenir en disant que c'était un peu court. Ils avaient envie de découvrir d'autres salles. Donc, on était ravis parce que c'est aussi ça. C'est de les initier à la culture. Parce que même s'ils sont proches de Paris, ils sont pas très loin, mais finalement, ils ne viennent pas. Et donc, c'est aussi, l'idée, c'est de les initier à la culture, de leur donner les codes et qu'ils aient envie et peut-être après d'y retourner. Enfin, semer la petite graine et puis, voilà. Merci. Un nouvel épisode de notre fabrique de l'histoire scolaire par Séverine Niattard, une réalisation de Thomas Duterre. Bonjour à vous Victor Massel-Lépiné. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Gilles Morin. Bonjour. Bonjour Jean-Louis Debray. Bonjour. Et bonjour à vous Françoise Banat-Berger. Bonjour. Merci d'être tous réunis pour cette émission qui visiblement fait déjà parler d'elle avant même d'avoir eu lieu dans le milieu des archives et des archivistes. Une émission autour de la question du rapport de l'État à ses archives. Alors, on vient d'entendre à l'instant même, Françoise Banat-Berger, des visites de jeunes élèves dans les musées, en particulier le musée d'Orsay. Une des missions des archives que vous dirigez, c'est bien effectivement de s'adresser aux plus jeunes des citoyens de ce pays. Oui, tout à fait. D'ailleurs, comme dans la plupart des services publics d'archives, il se trouve qu'aux Archives nationales, on a un service éducatif particulièrement dynamique qui a été créé dans les années 50. D'ailleurs, c'est Régine Pernoud qui est à l'origine de ce service. Et aujourd'hui, en fait, ce service propose en fait une offre très riche d'une cinquantaine d'ateliers à destination d'à peu près 13 000 jeunes, des tout petits jusqu'à l'offre pour les étudiants, avec un rattrapage à peu près entre les jeunes du territoire autour de Pierrefitte-sur-Seine, par rapport aux jeunes de Paris. Et donc, en fait, ce sont des éléments très, très importants qui participent très fortement à ce qu'on appelle l'apprentissage de la citoyenneté, le vivre ensemble, et aujourd'hui, l'éducation artistique et culturelle, parce qu'on a beaucoup d'activités artistiques à partir du matériau archivistique proposé par nos professeurs et médiateurs du service éducatif. Parce que j'ai cru comprendre, Françoise Bernadette-Berger, depuis le début de cette semaine, en parlant à des archivistes qui travaillent aux archives départementales ou d'autres utilisateurs des archives, que une des questions qui se posait, et c'est peut-être une des questions à poser dès le départ, c'est de savoir qui les archives intéressent, à qui s'adressent-elles d'une certaine façon. Et c'est vrai que il y a 15 ans, quand nous avons commencé à réfléchir, un peu plus de 10 ans, à cette question d'une cité pour les archives, qui est devenue celle de Pierrefitte-sur-Seine, il y avait cette question de la fréquentation, de l'engorgement, du grand nombre de gens qui se précipitaient, généalogistes en particulier, dans les centres d'archives, et que entre-temps est intervenue une véritable révolution, la numérisation, mise à disposition par l'Internet de beaucoup de dossiers d'archives. Et au bout du compte, d'une certaine façon, j'ai cru comprendre, une sorte de désaffection du public. C'est-à-dire que vous devez mettre en adéquation vos institutions, qui sont des institutions, comme toutes les grandes institutions, un peu lourdes à bouger, avec des demandes qui sont très rapides à changer, au bout du compte. Alors, s'agissant, pour répondre précisément à la question des publics, s'agissant des archives nationales, c'est un cas un peu à part parce que effectivement, on constate une désaffection dans les services d'archives départementales, notamment l'évolution de l'enseignement licence master, voilà. Également la numérisation qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui peuvent se faire à distance. Aux archives nationales, c'est pas le cas parce que en fait notre public, notamment notre, je parle là du public traditionnel, si je puis dire, des salles de lecture, notre public n'a pas diminué. On a même retrouvé, parce que le public sur Pierrefitte est en train plutôt d'augmenter année après année, parce qu'il est constitué d'une grande partie en fait de chercheurs. Hein, plus de 40% d'étudiants en licence, master, thèse ou plus tard professeurs en HTR, et avec une vingtaine de pourcents d'usagers pour tout ce qui est publication, etc. Et uniquement, si je puis dire, 25% pour les recherches professionnelles, généalogiques, etc. Ce qui fait que du coup, on a pu, de ce point de vue-là, compenser cette espèce de perte qu'on constate ailleurs, n'est pas aboutie chez nous. Jean-Louis Debray, président du Conseil supérieur des archives. Parce que le portail France Archives, c'est pas une perte dans le sens où c'est plus physique, mais bien sûr, a attiré vers les archives et vers la connaissance des archives un public nouveau, plus jeune. Et on peut pas dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont consulter les archives. Il y a de plus en plus, grâce aux moyens modernes de la communication. Alors, on vous connaît comme ancien ministre de l'Intérieur, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debray. Qu'est-ce que le Conseil supérieur des archives, que peut-être beaucoup de nos concitoyens et de nos auditeurs ne connaissent pas, que vous présidez depuis l'année dernière? Qu'est-ce que c'est que ce Conseil supérieur des archives? C'est un organisme qui essaie de s'intéresser, de réfléchir aux grandes problématiques des archives aujourd'hui. Moi, j'ai une passion, c'est l'histoire. J'ai écrit des livres d'histoire, je continue à écrire. J'ai beaucoup fréquenté les services d'archives. Et aujourd'hui, c'est un bonheur pour moi de consulter de chez moi par le portail France Archives. Alors, je suis allé à Pierrefitte travailler, c'est parfait. Mais pour moi, c'est aujourd'hui, j'ai le sentiment de préparer l'histoire de demain. En s'intéressant à ces problématiques. Et bon, voilà. Et puis, c'est une autre activité qui m'intéresse beaucoup. Alors, une problématique qui fait couler un peu d'encre depuis maintenant un peu plus d'un mois, depuis que dans Le Monde, c'était, je crois, le 14 du mois dernier, il y a eu des fuites, c'est comme ça qu'on appelle cela, des projets du ministère de la Culture concernant l'ensemble du ministère de la Culture et de ses services, mais des historiens, des historiennes se sont émus, et vous en faites partie, Gilles Morin, de ce qui était inscrit dans cet article du Monde sur les archives, et en particulier de ce terme d'archives essentielles. Et vous avez, avec d'autres, dont certains d'ailleurs participent à ce Conseil supérieur des archives, avec d'autres historiennes et historiens, signé une pétition qui s'intitule « Les archives ne sont pas des stocks à réduire ». Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi, d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a une scission qui n'était pas la scission que nous connaissions. Il n'y avait pas de scission il y a une dizaine d'années lors de la montée de la volonté de faire une cité des archives nouvelle, plus moderne, etc. Une scission entre historiens et historiennes, enfin je ne sais pas si ce sont tous les historiens ou toutes les historiennes, et archives, archivistes, etc. Alors, je crois qu'il faut récuser cette scission, absolument. Nous avons une rencontre que nous voulons renouveler, d'ailleurs, qui était celle autour de la Cité des Archives, qui avait un projet extrêmement cohérent, c'était obtenir un nouveau bâtiment. Mmh. Et puis, ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Voilà, un peu plus de 10 ans. Et puis, Ce bâtiment, c'est Pierrefitte-sur-Seine à l'heure actuelle. Et il en est resté toute une série de contacts, si j'ose dire, et de rencontres qui ont fait se connaître des milieux. Nous sommes rendus compte depuis quelque temps qu'il y avait une série de problèmes. Alors, parmi ceux-ci, le rapport, en fait, a révélé, c'est pour ça que... Alors, le rapport, nous n'en avons pas encore parlé dans cette émission. Voilà. Le rapport, c'est celui de la vice-présidente du Conseil supérieur des archives, Christine Nougaret, qui est une archiviste elle-même et qui enseigne à l'École des Chartes. Et donc, ce rapport a été remis à la ministre, c'était Audrey Azoulay, c'était il y a quelque temps, le printemps dernier. Et c'est un rapport qui réfléchit aux nouveaux défis des archives contemporaines aujourd'hui, et en particulier ces archives numériques dont on parlait tout à l'heure. Alors, la question n'est pas tant le rapport Nougaret, parce que c'est une réflexion scientifique, simplement elle est mise en application, si j'ose dire, ou elle est utilisée, nous semble-t-il, et c'est là notre problème, elle est utilisée pour une gestion des stocks qui est problématique. Et la fuite de la note qui était parue et qui avait été distribuée au syndicat, c'est eux qui ont fait fuiter ce texte, révélait des pratiques dont nous avions quelques indices. Et c'est pour ça que nous sommes mobilisés. C'est-à-dire que nous avons constaté que depuis quelque temps, un certain nombre d'archives qui avaient été déposées, qui avaient été inventoriées, sont en train de disparaître. Alors on s'en rend compte au moment où on les recherche. Alors le premier cas a été celui du dépôt légal éditeur. Nous sommes rendus compte qu'il avait été détruit alors qu'il servait à des historiens, qu'il était une source unique. Sur notamment les ventes. Bon, alors, il n'était pas parfait, mais c'était une source qui était très utilisée. Et les premiers qui se sont mobilisés, c'est les gens qui travaillent sur l'édition. Depuis, nous avons appris d'autres cas, je n'en citerai qu'un, c'est celui de listing de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas rien, qui avait été organisé au plan des communes, et c'est donc un moyen de recherche, notamment par le niveau local, qui disparaît de ce point de vue-là. Or, à chaque fois, on l'apprend après coup. Je précise juste pour ce dernier cas, qui est quand même, bon, ça touche 2 millions de personnes, les 2 millions de familles. C'est notre problème, il est double. C'est d'une part, on retire aux historiens, d'autre part, on retire aux citoyens une partie de leur mémoire, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Jean-Louis Debray? Simplement, pour intervenir brièvement, rappeler que aujourd'hui la production d'archives papier des archives publiques, c'est 800 kilomètres chaque année. Mmh. Et que déjà, on fait une sélection, puisque la collecte des archives nationales publiques, c'est 80 kilomètres. C'est-à-dire 10%. Donc il y a déjà une sélection. Il faut ajouter aujourd'hui à cette masse de papier toutes les archives audiovisuelles qui sont considérables. Donc il y a déjà une sélection. Deuxièmement, on peut pas dire, toute erreur est humaine, mais on peut pas dire que cette sélection elle se fait à l'aveugle. Non, c'est un travail d'archiviste. Il y a des chercheurs, il y a des conservateurs qui fort de leurs études, de leur expérience, de leurs réflexions, essayent de conserver ce qui est essentiel. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer, on ne pourra pas indéfiniment conserver chaque année cette production d'archives. J'ajoute, pour avoir ça en réflexion, qu'aujourd'hui, l'État consacre 330 millions d'euros, masse salariale comprise, aux archives, aux archives de France. Ouais. Voilà, pour rappeler ces chiffres. Françoise Banat-Berger. Oui, en fait, l'évaluation dont parle Jean-Louis Debré, c'est quelque chose qui est au cœur des missions des archivistes en lien. Comment vous qualifiez ce terme d'évaluation ? Parce que c'est un terme qui est très évoqué dans le milieu des archivistes, mais peut-être pas connu de la part des auditeurs qui nous écoutent. C'est quoi l'évaluation ? L'évaluation, c'est ce qui consiste à pouvoir déterminer la valeur dite secondaire des archives qui sont produites, pour savoir lesquelles, au terme de leur ce qu'on appelle la durée d'utilité administrative, c'est-à-dire leur finalité primaire, la raison pour laquelle elles ont été produites ou conservées, donc celles qui, au-delà de cette utilité primaire, revêtent une utilité secondaire, c'est-à-dire patrimoniale, mm-hmm. c'est-à-dire historique, scientifique, statistique. C'est ça l'évaluation. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir à la fois une compétence d'historien, ce qu'ont les archivistes. Qui sont souvent artistes, pas toujours, mais parfois ils ont fait des études d'histoire et ils ont fait des archives. Généralement, ils ont fait des études d'histoire et qui ont également une connaissance surplombante de l'histoire des institutions mmh. sur le temps long, qui permet du coup de pouvoir déterminer à quel niveau de la production c'est le plus intéressant de collecter tel type d'informations ou pas. Tout ça a été objectivé par à la fois tout un corpus normatif. Je veux dire, les archivistes ne font pas du tout ça au jugé, au hasard. On doit mouiller. Qui a été notamment incarné par un cadre qui s'appelle le cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des archives, qui a été publié en 2014 et validé par le Conseil supérieur des archives. Je voulais aussi dire qu'il était évidemment essentiel que les usagers, quels qu'ils soient, participe à cette réflexion sur l'évaluation des archives. Moi-même, j'ai été responsable des archives au ministère de la Justice pendant une dizaine d'années, où je travaillais au sein d'une commission des archives de la justice, dans laquelle on travaillait en parfaite harmonie avec des greffiers, les archivistes des archives de France et des chercheurs, pour se mettre d'accord sur ce qui convenait de conserver ou pas. Alors, vous comprenez la question que j'ai posée tout à l'heure à Gilles Morin, qui était, est-ce qu'on voit poindre une scission entre historien et archiviste. Dans ce que je vois naître dans les journaux, dans les discussions publiques, etc., quelque chose qui me semble différent de ce que nous avons vécu, et la Fabrique qui était présente dans ce débat Absolument. Il y a déjà un peu plus de 10 ans, où historiens et archivistes sont montés tous au créneau pour pouvoir dire on a besoin d'un nouveau bâtiment. Et là, on a l'impression qu'il y a des petites dissensions, des tensions entre un métier qui doit assumer, c'est ce métier d'archiviste qui doit assumer ses fonctions de sélection, d'évaluation, de tri, etc. Et un autre métier qui est le métier de ceux qui fréquentent ou de celles qui fréquentent ces archives nationales et départementales et tous les types d'archives, qui dit il y a quelque chose qui est en train de se passer que nous ne comprenons pas ou ne voulons pas, en l'occurrence Françoise Banat-Berger. Alors, ce serait d'autant plus dommageable qu'il est évident que cette scission ne doit pas se faire et ne se fera pas. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on a souhaité l'année dernière, précisément parce qu'on s'est rendu compte au sein des archives nationales qu'il manquait un lieu un peu officiel au-delà des discussions qu'on pouvait avoir les uns avec les autres pour discuter avec l'ensemble des usagers. Donc on a mis en place dans un premier temps autour de la Seconde Guerre mondiale un comité des archives de la Seconde Guerre mondiale qui permet de dialoguer avec l'ensemble des chercheurs intéressés par cette période, notamment sur l'ouverture des archives de la Seconde Guerre mondiale, obtenue notamment grâce à l'aide d'une pétition d'historiens par Gilles Morin. Donc on est d'autant plus attentif à ce que cette scission ne se fasse pas. Et dans la suite de ce comité Seconde Guerre mondiale qui a permis justement de comprendre pourquoi les choses n'étaient pas si simples qu'on pouvait le penser, il y avait des problématiques de déclassification, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. On a voulu créer aux Archives nationales, j'ai voulu créer un comité des usagers des Archives nationales qui permettait, quelle que soit la période, quelle que soit la thématique, qu'il s'agisse d'usagers de Paris, de Pierrefitte, qu'il s'agisse de généalogistes, de blogueurs, d'historiens, de pouvoir précisément dialoguer. Et c'est dans ce cadre-là également qu'on a voulu faire œuvre un tout petit peu de transparence en mettant en avant ce qu'on numérise et ce qu'on soit numérisé avec notre programme, en mettant en avant tout ce qui rentre en termes d'archives aux Archives nationales. On a publié pour la première fois le registre des entrées d'archives en 2016, qui est publié sur notre site, et en mettant également en avant, on vient de le publier, un état de tout ce qui n'est pas encore classé au sein des Archives nationales, ce qui est quand même un souci louable d'ouverture et de transparence. Et donc, ce serait malheureux de ne pas la poursuivre sur la question de l'évaluation. Gilles Morin, Jean-Louis Debray. Oui, je crois qu'il faut sortir du débat où on oppose historiens et archivistes, d'autant que... Vous avez bien compris que c'était pour pouvoir que les auditeurs comprennent exactement où étaient les enjeux. Pas mal d'archivistes ont signé la pétition que nous avons lancée, ce qui prouve bien qu'ils se sentent également concernés. La question n'est pas faut-il ou non faire des classements, des tris, etc. Au contraire, on le sait bien, ça fait partie du métier des archivistes. Ce que nous voulons, nous, c'est qu'il n'y ait pas des destructions à la va-vite, comme nous avons l'impression qu'elles sont commencées depuis un certain temps. Et de ce point de vue-là, ce rapport donnait des éléments pour justifier intellectuellement une pratique qui avait déjà lieu, nous semble-t-il, depuis au moins 3 ans. Donc, une des choses que nous demandons, justement, c'est qu'on ait les listes des documents qui ont été éliminés récemment, qui nous semblent absolument indispensables. Donc, la question n'est pas les tris, la question est qu'est-ce qu'on détruit et comment, et selon quels critères. Et nous voudrions surtout qu'il y ait à une véritable ouverture. Alors, premièrement, transparence. Deuxièmement, effectivement, qu'on associe plus. De ce point de vue-là, l'association, d'ailleurs, a eu lieu à la demande, je rappelle, d'un rapport du Sénat qui faisait suite à un rapport de la Cour des comptes qui avait noté qu'il n'était pas normal qu'aux Archives nationales, il n'y ait pas ce genre de comité. Victor Massel, une question. Avant de continuer sur les tris, une question toute simple et peut-être volontairement naïve. On a parlé du numérique et de la numérisation. Oui. Est-ce que ce n'est pas la solution magique avant d'éliminer ces archives, comme vient de le dire Gilles Morin, est-ce qu'on peut pas tout simplement numériser, gagner ainsi énormément de place, énormément d'énergie, enfin, est-ce que la numérisation c'est pas la clé de toute cette question? Et dépenser beaucoup d'argent aussi. La numérisation, c'est pas sans un coût considérable, d'une part. Deuxièmement, la numérisation suppose un coût régulièrement actualisé, puisque elle n'est pas... pas croire qu'on numérise une fois pour toutes pour 200 ans ou 300 ans. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de scission ou d'opposition, me semble-t-il, moi qui vois ça à l'extérieur, entre les historiens et les archivistes. Il ne peut pas y en avoir. D'abord, il faut bien rappeler que le rapport Nogarhead est un rapport. Ce n'est pas l'opposition, la position du gouvernement ou de la direction des archives, que je crois savoir qu'il va y avoir un débat au Conseil économique et social organisé par la ministre sur ce problème, et donc le dialogue est ouvert. Simplement, ce que, et je crois qu'on peut adhérer à ce que vous avez dit, simplement, les chiffres montrent qu'il faut faire cette sélection. Alors, je suis d'accord avec vous, cette sélection, elle doit se faire en faisant confiance aux archivistes sur des bases qui sont des bases scientifiques et des bases de grande clarté. On n'a rien à cacher. Ouais. Pourquoi voulez-vous qu'on cache des choses? Soyons pas dans cette obsession que les archives sont là pour cacher l'histoire. Peut-être parce que anciennement, ça arrivait déjà. Arrêtons de regarder bien toujours. Bien sûr, vous avez raison, ça a beaucoup changé depuis un certain temps. Je crois qu'il y a une autre raison aussi, c'est qu'il y a des ordres en ce moment de ne pas communiquer, notamment aux journalistes et aux historiens. Nous l'avons constaté. Ça nous pose des problèmes. Des gens que nous connaissons bien, notamment par la fréquentation de l'ancienne cité des archives et autres, quand on leur pose la question, est-ce qu'il y a des destructions actuelles, comment sont-elles faites, etc., nous répondent, nous ne pouvons pas répondre. Y a-t-il des destructions? Au lieu de nous dire non. Parce que nous tournons autour de cette question. C'est peut-être bien de s'adresser à ceux qui peut-être le savent. Voilà. Donc vous, en particulier en tant que directrice des archives nationales. Donc, s'agissant des archives nationales. Donc, nous conservons en général ce qui est collecté via les missions dans les différents ministères. Mm-hmm. On pourra en parler. Donc, a priori, ce qui nous arrive sont des archives qu'on appelle définitives, c'est-à-dire destiné à une conservation définitive. Donc ça, évidemment, qu'on n'y touche pas. En revanche, il se trouve qu'aujourd'hui, dans le contexte de la fermeture du site de Fontainebleau, avec alors, un transfert... Il y avait trois sites. Aux Archives nationales, donc, il y a trois sites. Hein, un site historique qui est le site de Paris, le site historique depuis 1808. Un nouveau site donc, qui a été ouvert en 2013 à Pierrefitte-sur-Seine et un site à Fontainebleau qui est en péril structurel, donc pour lequel on a une obligation de on ne peut pas le réhabiliter, enfin ce n'est pas raisonnable d'imaginer sa réhabilitation dans l'état dans lequel il est et qui conservait beaucoup d'archives du XXe siècle. Il conservait ce qu'on appelle d'une manière un peu qui n'était pas idéal de ce point de vue-là, ce qu'on appelle les dossiers sériels et nominatifs, c'est-à-dire en fait des bouts de dossiers qui prennent beaucoup de place hein, et qui sont en fait liés par ailleurs aux fonds contemporains qu'on trouve sur le site de Pierrefitte, où ils sont organisés par grands domaines d'action administrative, exécutif, législatif, intérieur, etc., éducation, jeunesse, etc. Et là, c'est les dossiers sériels nominatifs voilà, qui étaient comme ça conservés à Fontainebleau et qui vont donc rejoindre le site de Pierrefitte. Ça a commencé pour une partie d'entre elles qui a vu un sinistre, là, c'est en... et ça va se continuer en 2019-2020. Il se trouve que le site de Fontainebleau a eu jusqu'à au moins 1984 et à certains moments également ultérieurement une vocation d'archives intermédiaires. Ça n'a pas toujours été un centre d'archives définitif. Il faut expliquer ce que sont les archives intermédiaires parce que c'est important pour les auditeurs. Alors les archives intermédiaires, ce sont des archives qui ont encore cette utilité administrative de gestion qui fait qu'ils doivent être impérativement conservés durant cette durée d'utilité administrative. Durée décidée par la loi. Décidée soit qui repose effectivement sur des bases réglementaires législatives, soit à l'issue d'un dialogue entre le producteur, l'administration et l'archiviste précisément. À l'issue de cette durée, c'est là qu'on décide de savoir si les archives ont vocation à être conservées définitivement ou pas. Et il se trouve que donc Fontainebleau, dans les 20 premières années de son existence, a servi de dépôt d'archives intermédiaires de la part de tous les ministères. Et que là, il s'agit de repérer, pour éviter que soient transférées à Pierrefitte des archives de fait éliminable parce que ça repose sur des circulaires de tri, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est dossier comptable au bout de 10, enfin bon, ça n'a pas de... Donc c'est de repérer quelles archives intermédiaires restent encore là pour, s'ils ont atteint leur durée d'utilité administrative et qu'ils sont éliminables, pouvoir le faire. Et c'est ça qui est en cours et qu'on peut tout à fait, et sur lequel on donnera évidemment toutes les listes possibles. Ces rumeurs d'élimination qui auraient été faites de façon... Alors, elles ne sont pas, en l'occurrence... Enfin, plus exactement, il y a toujours eu des éliminations qui se sont faites sur le site de Fontainebleau depuis des années. Qui sont des destructions réglementaires parce que c'est encadré par des circulaires, etc. Et donc là, c'est la fin de cette opération-là, mais qui est tout à fait mineure par rapport à la masse qui va être à peu près quand même 80 km qui va être transférée sur le site de Pierrefitte. Alors, le document qui a été publié par les syndicalistes CFDT nous dit quand même une chose extrêmement inquiétante, c'est qu'il y a un objectif... Alors, vous allez peut-être me démentir, ça sera intéressant. Un objectif de 15 km d'élimination d'archives qui avaient déjà été soit classées, soit stockées. Alors, c'est ça que nous avons notamment besoin de savoir. 15 km, ça représente l'équivalent énorme, de 2 à 3 années de collecte aux archives nationales. Si ce chiffre a circulé, d'abord, ça concerne l'ensemble du territoire français. Donc ça change considérablement la donne. Ça change les choses, mais néanmoins. Eh ben c'est de ça dont c'est. Mm-hmm. Je pense que c'est de ça dont vous voulez parler. Et chez nous, ça n'a évidemment pas du tout cette ampleur. C'est en fait repéré dans les dossiers de gestion ressources humaines, par exemple, des dossiers comptables, gestion de ressources humaines ou sur administratives qui sont arrivés au terme de leur DUA. C'est quelques centaines de mètres, grand maximum, et qui ne sont pas encore. Le travail est en cours. Voilà. Et parce que effectivement, ce que peu de gens savent. C'est la suite de ce qui se fait depuis toujours. Ce que peu de gens savent, c'est que vous êtes fréquenté aux archives nationales, mais les centres d'archives en région le sont aussi, par des citoyens qui ne sont pas des historiens, qui ne sont pas des généalogistes, mais des gens qui viennent simplement essayer de comprendre quels sont leurs droits. Vous savez que nous avions fait un long feuilleton, c'était Séverine Yatard qui s'en était chargée dans la Fabrique de l'Histoire en 2011-2012, autour du déménagement justement à Pierrefitte-sur-Seine de ces archives nationales depuis le centre de Paris. Un des feuilletons, un des épisodes de feuilletons Feuilleton, nous racontait, c'était Cécile Simon, ce qu'était ce bureau de recherche administrative. Non, c'est pas là. Alors, il faut que j'essaie de trouver ce décret de... Et dans votre famille, personne ne se souvient de comment votre père est devenu français. Parce qu'il faut quand même déjà essayer de chercher autour de ça. Ma cousine, c'est pour ça que je l'ai retrouvée au journal officiel. Oui, mais votre cousine, elle est devenue française parce que son père a été naturalisé français. Puisque visiblement, ça s'est passé avant 1927. Et avant 1927, quand un homme demandait la nationalité française, sa femme et ses enfants mineurs étaient automatiquement naturalisés en même temps que lui. Ouais. Après 1927, une femme n'était plus obligée de suivre la nationalité de son mari. Ils se sont mariés en quelle année, vos parents? En 1948. Le microfilm, il va jusque 1930. À la salle des microfilms, vous avez mes collègues qui vont vous aider à trouver la bonne bobine, à l'installer, à la lire. Si vous trouvez une fiche à son nom, ou au nom de ses parents, vous notez bien tout ce qui est écrit sur la fiche, et en particulier le numéro du dossier et la date du décret. Voilà. C'est par ordre alphabétique, et quand vous aurez fait cette recherche, vous redescendez me voir, et puis on voit pour la suite. Okay. Voilà. Okay. Sans votre sac, avec juste un papier, un crayon. Et sans votre veste non plus. Bon. À tout de suite, à tout à l'heure. Cécile Simon, alors nous sommes au Caran, la salle de lecture en fait, des Archives nationales. Exactement. Dans le Marais, et nous sommes au bureau des recherches administratives. Et vous en êtes une des... Je suis celle qui en coordonne l'activité, et je suis une des personnes qui effectue ces permanences. Ce bureau est né il y a quelques années d'un besoin un peu particulier qui a émergé aux archives, une demande un peu nouvelle de notre public, de personnes qui venaient aux archives non pas pour effectuer des recherches généalogiques, c'est-à-dire pour leur plaisir, ou des recherches historiques ou universitaires, mais des gens qui venaient aux archives chercher des documents dans le but de prouver des droits ou d'établir des droits dans le cadre de ce qu'on peut appeler des recherches administratives. Donc l'idée de ce bureau ici, c'est pas d'être un bureau de renseignement administratif au sens large, puisque nous ne sommes ni des juristes, ni des spécialistes des formalités administratives, mais c'est de renseigner les gens, de les guider dans leurs recherches, dans des fonds d'archives que nous conservons, dans le cadre de démarches administratives. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Voilà, c'était donc Cécile Simon des Archives nationales dans le feuilleton que nous avions consacré en 2011, en l'occurrence, au déménagement futur de ces archives depuis le centre de Paris jusqu'au centre de Pierrefitte-sur-Seine. Dans le rapport qu'a remis donc à la ministre Audrey Azoulay au printemps dernier, la vice-présidente du Conseil supérieur des archives que vous présidez, Jean-Louis Debray, elle dit il faut conserver et transmettre les documents ou données archivées, parce qu'il y a aussi les données numériques qui sont très importantes, pour l'exercice des droits et pour l'écriture de l'histoire. C'est-à-dire que ce sont les deux missions des archivistes que de s'intéresser aux droits des citoyens, donc et de leur faire comprendre ou leur donner accès aux documents qui leur permettent d'établir leurs droits, d'un côté, Jean-Louis Debray, et de l'autre côté, de faire de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement... c'est tous les citoyens doivent avoir accès aux documents qui leur permettent de comprendre l'histoire de leur pays, mais doivent aussi avoir accès à l'histoire pour comprendre celle de leur famille. Donc c'est les deux grands. Mais ça permet aussi à des étrangers, puisque la France est un pays ouvert, quand je suis allé travailler à Pierrefitte, il y avait à ma droite et à ma gauche des étrangers qui s'intéressent à notre histoire. Donc les archives s'ouvre à tout le monde. On a beaucoup parlé de cette collecte par les archives. Moi, il y a une collecte qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est celle qui se fait avant que le document n'arrive aux archives nationales. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr que dans chaque ministère, dans chaque administration, dans chaque organisme qui produit des archives publiques, est-ce que ce qu'il va transmettre aux archives en vue de la sélection par les Archives nationales, n'a pas été épurée d'un certain nombre de choses. Et c'est ça le risque. Oui, parce que effectivement, on sait que dans les ministères, et vous avez été ministre vous-même, on détruit beaucoup avant que la mission des, beaucoup avant que la mission des Archives nationales arrive. Beaucoup de progrès étaient faits. Mais c'est ça le problème. Et pas uniquement dans les ministères, dans tout organisme dépendant de l'État et étant archives publiques. Oui, en l'occurrence, Françoise Banat-Berger, des archivistes sont chargés de se rendre dans les ministères, vivent dans les ministères, pouvoir justement être au plus près du producteur des sources qui vont ensuite être transférées aux archives. Juste deux mots sur les dossiers de naturalisation, puisqu'il était question de ça dans le reportage. Donc on conserve 24 km de dossiers de naturalisation aux archives nationales. Et une rumeur a couru, on aurait détruit des archives de naturalisation. Ça c'est totalement... du pur fantasme. Non. Les archivistes ne s'intéressent pas aux rumeurs. On est là pour établir les faits. Les dossiers de naturalisation, il se trouve que donc un bon nombre étaient encore à Fontainebleau, vont rejoindre le site de Pierrefitte, et que ce dont on rêve sur les dossiers de naturalisation, c'est pas du tout de les trier ou quoi que ce soit, c'est plutôt de mettre en place un service innovant conforme toute la modernisation de l'État pour permettre précisément aux internautes d'être mieux guidés dans cette espèce de méandre de recherche qui est quand même très complexe pour quelqu'un qui vient une seule fois aux archives. Alors, s'agissant donc de la question que vous posiez, donc effectivement, s'agissant des archives de l'État, il existe depuis les années 50 environ des missions des archives dans les ministères. En gros, c'est une centaine de personnes qui œuvrent donc, malgré tout, ce n'est pas négligeable, l'air de rien, les ministères donnent beaucoup de moyens là-dessus. Donc je dis bien les ministères et le ministère de la Culture pour les conservateurs qui sont à la tête de ces services-là, pour précisément évaluer, encadrer et contrôler ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique des archives. Julien Benedetti vous en a parlé également. Ce qui est produit pour permettre effectivement d'évaluer l'ensemble et d'avoir une vision assez englobante sur tout ce qui est produit papier et aujourd'hui de plus en plus numérique, pour permettre précisément de bien prendre ce qu'il faut prendre et ne pas laisser de côté des choses très importantes. Et de ce point de vue-là, on rejoint une démarche des systèmes d'information et notamment de ce qu'on appelle la DINSIC, qui tente d'urbaniser le système d'information de l'État et donc d'avoir une vision surplombante de toutes les fonctions de l'État et de toutes ces missions, et donc pour nous, de toutes les données et papiers qui dérivent de ces d'être fonctions. D'être au plus près de la production, en l'occurrence. C'est ça, d'être Victor en amont, oui, pour une collecte de qualité. Comme vous parlez d'évaluation, Françoise Banat-Berger, on peut peut-être revenir à ce terme qui est un peu au centre des débats depuis un mois, qui n'est pas nouveau, mais qui est celui d'essentiel, puisque c'est ça qui a fait beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est qu'une archive essentielle? Qui était présent donc dans le rapport de Christine Nougaret, remise à la ministre au printemps dernier. Alors là, comme vous êtes trois qui sont, vous êtes peut-être, on peut dire, des archétypes des différents personnages qui gravitent autour des archives, l'usager, l'archiviste et Jean-Louis Debray, on peut dire aussi le producteur, puisqu'on a parlé de vos archives ministérielles. Il y a aussi les archives de votre père que vous êtes, je crois, en train de verser aux archives. Qui sont versées aux archives nationales. Je continue à découvrir des choses que je verse régulièrement. Mais alors, comment se pose, en quels termes se pose pour vous trois la question de l'essentialité des archives? Qu'est-ce que c'est qu'une archive essentielle pour un producteur, pour un archiviste et pour un usager des archives? Alors, ça fait effectivement, ce terme a fait couler beaucoup d'encre, peut-être pas. Alors, essentiel, il se trouve que c'est l'adjectif repris par Christine Nougaret d'un terme qui venait donc du monde canadien et anglo-saxon. Voilà. En fait, les archives essentielles des uns ne sont pas les archives essentielles des autres. C'est-à-dire que, par exemple, les archives essentielles pour un service producteur, c'est les archives durant leur premier âge de vie. Les archives essentielles pour nous, ça va être les archives durant leur second âge de vie. Et donc, en fait, tout simplement, pour nous, dans notre traduction, dans nos services publics d'archives, c'est les archives dites définitives. Donc là, la réflexion de Christine Nougaret consistait à s'appuyer sur les exemples anglo-saxons et canadiens pour tenter de trouver une méthode plus qui compléterait celle qu'on utilise aujourd'hui pour être sûr de bien cibler ce qui est vraiment important pour pas laisser de côté précisément des choses qui seraient incontournables en quelque sorte, en s'appuyant, elle a employé le terme, sur la, ce qu'on appelle la macro-évaluation, qui est en fait une vision surplombante des grandes fonctions avant de se précipiter sur le contenu même des documents d'archives. C'est de ça dont il s'agissait. Donc c'est pas une révolution. Vous voulez dire que ça ne fait qu'entériner à une pratique que vous pratiquez depuis un certain temps. Oui, mais qui est complexe à mettre en œuvre, parce que cette vision surplombante qui consiste non seulement à voir l'ensemble des archives publiques intéressantes, mais les archives privées qu'on collecte de plus en plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'aux Archives nationales, par exemple, nous avons un intérêt tout particulier pour les dons d'archives privées qui complètent nos archives publiques, notamment pour les archives des hommes et femmes politiques, nous y sommes très attachés, ou pour les archives de la recherche, par exemple les archives de Françoise Héritier, ou bien qui reflètent des grands enjeux sociétaux. C'est ainsi que, par exemple, on a quand même, on ne le dit pas, mais on a reçu en don les archives, par exemple, d'ACT UP ou d'AIDE, qui sont donc bien, ou bien on travaille sur l'éducation populaire, on travaille sur l'enseignement spécialisé, donc on travaille sur ces pans entiers des usages historiographiques d'aujourd'hui. Alors les archives essentielles, oui, je crois qu'on ne peut pas faire abstraction du contexte. Le contexte, c'est notamment que le C'est-à-dire, c'est ce qui expliquerait pourquoi, quand Christine Nougaret publie son rapport au printemps dernier, le gouvernement étant le même que celui qui lui a commandé son texte, on n'a pas entendu grand-chose de la part des historiens et des historiennes. Il faut déjà le temps qu'ils nous parviennent, c'est la première chose. Oui. Et puis, c'est une réflexion intellectuelle aussi, qui est intéressante. Là-dessus, on ne va pas discuter. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation dite d'urgence. C'est-à-dire que le bâtiment de Pierrefitte va être plein. Oui. Et ce bâtiment plein, il nécessite donc une extension qui a été demandée notamment par la Cour des comptes et par la Commission des finances du Sénat. Donc, en attendant, une extension qui est possible sur le site de Pierrefitte parce que l'État s'est doté de terrains supplémentaires qui permettraient d'agrandir le site de Pierrefitte qui vient d'être inauguré mais qui est encore un peu trop petit à cause du déménagement de Fontainebleau. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'en attendant, on délimite des métrages ou des kilométrages qu'il faut rentrer. Et on les fait rentrer dans un cadre donc qui n'est pas dans une réflexion intellectuelle, mais dans un cadre administratif. La réflexion qu'a initiée Christine Nougaret, je confonds personne, est intéressante, mais elle suppose du temps, elle suppose un débat, elle suppose toute une série de choses. Or là, on n'a pas. Le débat est commencé en tous les cas. On fait très vite et on détermine dès maintenant ce qu'il faut jeter. Deux remarques. D'abord, Jean-Louis Debray. Le rapport a été présenté au mois de juin devant le Conseil supérieur des archives. Donc il était public. Je rappelle toujours que c'est un rapport. Alors, pour ce qui concerne la production, je vais prendre mon cas particulier. Moi, producteur d'archives, je ne me sens pas le droit de dire ce qui est une archive essentielle ou pas. Je viens de verser au directeur des archives un document que j'ai retrouvé dans les affaires de mon père en lui disant, écoutez, vous allez voir ça avec des archivistes. Si ce document est essentiel, eh bien vous le gardez. S'il n'est pas essentiel, vous me le donnez, je préférerais le déchirer ou je le garderai moi, puisque ce sont des attraits à des réflexions familiales. Donc voilà, je pense que c'est pas au producteur, c'est pour ça que la question est importante, c'est pas au producteur de choisir, parce que le producteur, il est orienté. Quand vous êtes ministre dans un gouvernement, un poste important, vous ne pouvez pas choisir ces archives, parce que vous ferez une sélection qui sera arbitraire. C'est aux archivistes de déterminer avec le recul si elles sont essentielles ou pas. Françoise Banat-Barger. Sur la question immobilière. Il nous reste 4 minutes. Oui, sur la question immobilière, puisqu'il est question de ça. Dès maintenant, l'État a investi quand même 15 millions d'euros pour équiper 100 km supplémentaires aux archives sur le site de Pierrefitte qui seront prêts début 2019. Ce n'est quand même pas rien. Pour ce qui vient de Fontainebleau. Pour une partie, puisque ce n'est pas tout à fait 100 km qui viendront, ce qui nous permettra de disposer de quelques dizaines encore de kilomètres d'archives, enfin de capacités disponibles. Et également, l'État s'est engagé très publiquement pour effectivement faire une extension sur la réserve du site de Pierrefitte sur Seine pour qui sera faite bien avant que ce qui était prévu, puisque bien évidemment on ne prévoyait pas que le centre de Fontainebleau serait amené à fermer. Et je voulais juste dire, s'il reste très peu de temps, la seule chose dont on n'a pas parlé, qui est pourtant totalement essentielle aujourd'hui, ce sont les archives nativement numériques. Nous, on en conserve à peu près 50 téraoctets, c'est 150 millions de fichiers. Et c'est un énorme programme, là, pour le coup, pour lequel l'État a investi. Qui était d'ailleurs la raison d'être même de la commande du ministre, de la ministre Audrey Azoulay à Christine Nougaret pour son rapport, parce qu'il y avait cette question de qu'est-ce qu'on va faire de ces archives numériques. Voilà. Et donc, en fait, il est important de savoir que l'État a investi massivement là-dessus et a pris conscience de cette problématique qui est énorme, hein, qui est, parce que là, en ce moment, on a peur de quelques destructions de papier, mais c'est des pans entiers numériques qui sont en train de disparaître. Et donc, en fait, ce programme Vitam interministériel qui fait partie du top 50 DSI de l'État, des services, systèmes d'information de l'État, des grandes applications, va servir à nous munir à tous, enfin, les trois grands ministères, Affaires étrangères, Armées et Culture, Archives nationales, d'une plateforme d'archivage électronique pour permettre cette conservation d'archives numériques qui monte de plus en plus. On le voit dans les cabinets ministériels. Mmh, la part papier baisse et la part numérique monte. La collecte 2017, c'est 10 téraoctets de données quand même. Alors, si on veut en savoir plus sur ces questions des archives, parce que nous n'avons évidemment pas tout dit, en l'occurrence, il faut réécouter une émission du Grain à Moudre, c'était il y a une dizaine de jours, sur France Culture, qui était fort intéressante avec Hervé Lemoine en particulier, qui était directeur des Archives de France. Et il y avait aussi, il y a aussi un débat qui a eu lieu il y a deux jours à l'École des Chartes entre des archivistes qui viennent de publier des livres sur ce thème-là. Je conseille à nos auditeurs, et on mettra le lien sur notre page, d'aller voir ce débat qui dure une heure et demie, mais qui est fort intéressant justement sur le métier d'archiviste aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer que le débat va continuer? Vous allez continuer à discuter les uns les autres? On monte une association avec des archivistes ces temps-ci pour justement essayer d'organiser un débat de façon indépendante. Et il va y avoir un débat organisé par la ministre au Conseil économique et social au courant janvier, où chacun pourra s'exprimer. Le Conseil supérieur des archives est un endroit où des historiens, des archivistes et des personnes privées s'expriment. Donc ça va continuer. Ça va continuer. Il faut toujours dialoguer. Ça va continuer aussi. C'est pour ça que tout le monde est autour de la table. Ça va continuer au sein du comité des usagers, en interne aux Archives nationales avec les usagers précisément, et ça va continuer aussi au sein de l'association des archivistes français qui veut aussi ouvrir un débat. Donc je pense que ça va. Ça veut dire on va beaucoup débattre et on va beaucoup s'expliquer parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Et on en rendra compte dans la Fabrique de l'Histoire régulièrement. Comme disait Anatole France, il n'y a pas qu'une vérité. Et comme disait, je crois, Charles Samaran, grand historien, l'archiviste et l'homme qui sait détruire, c'est ce qui était cité dans le débat de l'École des Chartes par Bruno Galland. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Victor Buton était au droit d'auteur, Victoria Asper à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.